tes yeux, de tes yeux orgueilleux. Dans la nuit de tes yeux de velours, la haine et l'amour se mélangent. Car tantôt tu m'as fui, et tantôt tu m'as sui. Et la nuit de tes yeux obstinés me dit que tu n'es pas un ange. Dans la nuit de tes yeux orgueilleux, à travers cet orgueil insensé, c'est ton cœur blessé qui se venge. Tu crois que tu me tiens, que mon cœur t'appartient. Tu seras bien déçu car mon orgueil, vois-tu, est plus grand que le tien. Je ne suis pas ta chose dont ton humeur dispose. Mon chemin va tout droit et ma vie est à moi. Je vois clair en moi-même. Si tu veux que je t'aime, abandonne ce jeu si dangereux et ne joue pas avec le feu. Dans la nuit de tes yeux orgueilleux, dans la nuit de tes yeux de velours, la haine et l'amour se mélangent. Car tantôt tu m'as fui, et tantôt tu m'as sui. Et la nuit de tes yeux obstinés me dit que tu n'es pas un ange. Es-tu si sûr de moi? Si tu l'es, gare à toi. Mais si je veux me laisser dompter, oublie ta fierté en échange. Nous pourrons vivre à deux en amour merveilleux, quand je verrai briller tout un ciel étoilé dans la nuit de tes yeux, tout un ciel étoilé dans la nuit de tes yeux.